ne voulais jamais te le dire, car je craignais toujours le pire. Ton refus m'aurait brisé, je te jure, ça détruirait gravement mon futur. Sans toi je vis, cependant avec toi je vis et ris aussi. Mon amour pour toi est si grand que je pourrais faire concurrence à l'océan. Je reste calme, patient, c'est peut-être pas encore le moment. Telle est la question, mais pourtant le temps passe et je suis toujours dans l'impasse. Tu me manques, même quand je te vois, j'ai une belle envie de te serrer dans mes bras. Mais toi tu es avec lui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Tout tourne dans ma tête, c'est vraiment la tempête. Mais ce soir-là, tu étais bizarre, ça se voyait dans ton regard. Puis tu me fixais toujours depuis le bas. Est-ce dû au hasard? Après même pas 5 minutes, tu es venu t'asseoir. Et moi, dans mon désespoir, je t'ai proposé à boire. Et là, ton sourire m'a fait apercevoir combien tu avais de pouvoir sur mon bon vouloir. Oui, sur mon bon vouloir. Descends plus jamais, je dois te séduire, mettre le paquet, te faire rire, car tu es mon bonheur le plus parfait. Ma vie avec toi serait complète. À descends plus jamais. Tout est fini, ton copain t'a trahi, tu le traites même de bandit. Il a volé des années de ta vie, et maintenant la nuit tu ne penses plus à lui. Mais alors à qui? Je suis trop naïf de ne pas comprendre l'interrogatif. Depuis peu tu es positif, et quand tu es avec moi je deviens fou. Si tu touches tes tifs, je veux sentir ton souffle sur mon visage, car mon oxygène est hors usage. Mais te savoir avec moi me redonne énormément de courage. Tu es ma vie, mon plus beau voyage. Promets-moi de plus changer d'étage. Reste près de moi, dans mes parages. Tu prends lentement ma main et tu m'emmènes très loin, loin d'ici où il n'existe plus le mot demain. Le futur reste stable, il devient prudent, sûrement éternellement le présent. Merci d'exister, car seul toi me comprends. Adesso mai più, adesso, adesso, adesso o mai più, esisti solo tu. Adesso più jamais, je dois te séduire, mettre le paquet, te faire rire, car tu es mon bonheur le plus parfait. Ma vie avec toi serait complète. Adesso plus jamais, adesso plus jamais, adesso plus jamais, je dois te séduire, mettre le paquet, te faire rire, car tu es mon bonheur le plus parfait. Ma vie avec toi serait complète. Adesso au plus jamais, adesso mai più, adesso, adesso mai più, esisti solo tu, si. Existi, existi solo tu.